Histoire actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité des livres et des publications d'histoire, en particulier du magazine L'Histoire. Ce matin, nous vous parlerons de sorcières et de sainteté. Pour commencer, nous recevrons le professeur au Collège de France qui est Patrick Boucheron, qui dans son ouvrage qui est sorti hier, nous parle des vies posthumes de Saint Ambroise de Milan sous un beau titre, La Trace et l'Aura. C'est dans la collection L'Univers historique au Seuil. On pourrait presque dire qu'il s'agit de savoir comment ne pas se débarrasser du cadavre d'Ambroise. Et puis nous traiterons ensuite du dossier du partenaire de notre partenaire L'Histoire, le dossier du mois, l'Inquisition des sorcières, avec Valérie Alain, directrice de la rédaction de L'Histoire, et l'historien Philippe Joutard. Nous allons tenter de comprendre comment a évolué le regard des historiennes et des historiens sur ce phénomène, le phénomène des sorcières, et de leur condamnation à l'époque moderne. Enfin, dans la dernière partie de cette émission, comme chaque vendredi, dans notre séquence « C'était à la une » avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, nous entendrons un texte écrit pendant la Première Guerre mondiale, un texte signé Colette. Elle y parle des chiens de tranchée qui viennent sauver les poilus. Un Gloria ambrosien pour cœur d'homme, chanté par les moines de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Bonjour à vous, Patrick Boucheron. Bonjour, Emmanuel Laurentin. Vous savez nous parler, vous. Tout de suite, on est dans l'ambiance. Que sont donc ces hymnes ambrosiens dont vous parlez à la toute fin de votre livre La Trace et l'Aura, vie posthume d'Ambroise de Milan? Enfin, en tout cas, vous en parlez longuement tout au long de ce livre, mais vous terminez justement sur ce souvenir musical, pourrait-on dire, ce souvenir chanté de qui était Ambroise de Milan, évêque du 4e siècle de Milan. Oui, j'essaye d'écouter les hymnes en essayant de me poser cette question, qu'est-ce qu'on entendait par là, au fond? Bien sûr, ce sont des chants religieux, c'est de la liturgie. J'étais pas, comme historien de la ville, vraiment armé pour traiter cette question. Mais en même temps, la question que je devais traiter, c'était effectivement, vous l'avez dit, un souvenir disputé, celui d'Ambroise de Milan, évêque d'une des plus grandes capitales de l'Empire d'Occident, qui, à partir de 374, lutte et pour lutter, eh bien, prend toutes les armes à sa disposition, en particulier une façon de construire une communauté émotionnelle, ce sont les hymnes. Mmh. Et il a rédigé des hymnes, et il les a fait chanter. Alors ces hymnes, ils sont 40 dans une sorte de corpus médiéval, mais aujourd'hui quand on y travaille plus sérieusement avec des chercheurs qui s'intéressent à cette façon de chanter, cette liturgie médiévale du tout début de l'époque médiévale ou de la fin de l'Antiquité tardive, eh bien ils disent qu'il y en a un peu moins, peut-être une dizaine, une douzaine. Une douzaine, entre 12 et 14, voilà. Oui. Mais néanmoins, ils ont été inventés, expliquez-vous, dans votre livre La Trace et l'Aura, au moment d'une crise. Une crise profonde, une crise de la translation, pourrait-on dire, non pas de l'Empire, mais de la translation d'un pouvoir qui était le pouvoir gréco-romain des empereurs, à un pouvoir depuis quelques dizaines d'années à ce moment-là devenu chrétien sous Constantin. Et la translation, effectivement, de ce pouvoir est marquée par la création de ces hymnes. On raconte que c'est parce qu'il était enfermé avec ses fidèles dans une basilique assiégée par les Goths qui eux-mêmes étaient armés par l'empereur. Et cet empereur, effectivement, il défendait son droit impérial à intervenir dans le dogme. Et Ambroise, lui, c'est le grand séparateur. Il est en train délimiter, au fond, le domaine de Dieu, c'est-à-dire le sien propre aussi, en tant qu'évêque. Il veut gouverner. Mais c'est une autre manière de gouverner. Et justement, rassemblé par une communauté émotionnelle, charmée aussi, parce que ces hymnes sont des chants, et sont des chants au sens de la poésie romaine, c'est une manière de faire corps. Mais vous avez raison, Emmanuel, effectivement, la grande question, c'est celle de ce IVe siècle qui est, au fond, davantage qu'une rupture, une bascule. Si on aime l'histoire spectacle, l'effet péplum, alors on se dit Constantin est converti, c'est terminé, l'Empire devient chrétien. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est beaucoup plus douloureux. Et ça bagarre jusque dans ces années de Saint-Ambroise de Milan. Et même après, avec la bataille d'Andrinople, etc. Parce que la question, au fond, c'est que les païens sont... Il y a la grande affaire Simac, on en parlera peut-être. Je sais que vous aimez bien Simac. Ah, j'aime bien Simac. Vous aimez bien Simac. Voilà. C'est le dernier païen, et c'est une manière aussi, Valérie, de se souvenir de notre ami de Pierre Suvin. Y a vraiment une question à ce moment-là. C'est passionnant, dit l'Antiquité tardive, qui est qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Au début, c'est simple, être dans une secte minoritaire, tout le monde sait faire, si j'ose dire. Mais quand, effectivement, cette religion prend le pouvoir, alors se pose une question d'identité. Robert Marcus l'a admirablement bien montré. Et moi, je chemine dans ce livre, vous avez fait allusion à Jacques Fontaine, à ses grands érudits, avec une bibliographie immense. Il chemine, effectivement, modestement. Peter Brown. Mmh. C'est quand même extraordinaire. Et dans son livre, son dernier livre, à travers le chat d'une aiguille, eh bien, il décrit cette église qui est en proie à tous les problèmes, au fond, qui sont ceux, non pas seulement de l'église, mais au fond, du pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire le rapport à la pauvreté, le rapport à l'autorité. Le rapport à l'inscription spatiale de son pouvoir. Et oui, parce que... Comment prend-on le pouvoir sur une ville? Comment on imprime? Et effectivement, c'est un grand bâtisseur aussi, Ambroise. Donc au fond, la liturgie, pour moi, c'était une manière d'aller buter dans une archéologie politique sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le gouvernement des modernes, buter sur, je dirais, le socle. Et ce socle est une sorte de reste inassimilable. Et si je dis il y a des origines liturgiques au gouvernement des modernes, ça va faire trembler tout le monde. Mais en même temps, lorsque on parle d'une élection, on va dire onction électorale, ouais. Il y a des acclamations, il y a des manifestations. Le caractère sacré de notre monarque, dit-on. Disons qu'il y a effectivement un reste théologico-politique dont on serait bien inconséquent de considérer qu'on va s'en débarrasser comme ça. Alors, ce qui est fort intéressant dans votre travail sur la Thrace et l'Aura autour des vies posthumes d'Ambroise de Milan, Patrick Boucheron, c'est que vous remontez à la source, mais que vous faites un chemin sur 1000 ans, pourrait-on dire. Les 1000 ans de Milan, c'est un jeu de mots que vous avez employé parfois. Sur 1000 ans, à 1000 ans, mais non, faut non, pas regretter. C'est comme quand vous utilisez des citations des tontons flingueurs à un moment, ça fait là, sourire. Là, je ne regrette pas. Voilà, exactement, façon puzzle. Donc, en l'occurrence, vous vous faites un chemin de 1000 ans autour de ce personnage d'Ambroise et de ses réinventions posthumes. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Ambroise, sa vie, son œuvre, ce qu'il fait, comment il combat ce sénateur romain, préfet de Rome, qui s'appelle Symmaque, justement, qui ne veut pas voir mourir la religion des anciens. Tout simplement. Il ne veut pas voir mourir ce à quoi il croit. Il est païen. Il croit à l'autel de la victoire ailée, à l'autel d'Auguste. Et il craint que, évidemment, abandonnant la déesse de la victoire, eh bien, Rome disparaisse. Voilà. Et donc, en face de lui, il y a cet Ambroise qui dit non, il va falloir marquer le territoire d'une certaine façon, marquer le territoire par la chrétienté. Il va se combattre contre les hérétiques. Les Ariens, les Homéens, enfin ce qu'on appelle les Homéens plutôt que les Ariens, et puis il va combattre son grand héritier, pourrait-on dire, Augustin va combattre d'autres hérétiques après lui. Et donc on est dans ce moment où ça tremble, où ça n'est pas encore installé, où il faut toujours bagarrer pour empêcher le pouvoir soit du souverain, de l'empereur, soit des autres sectes chrétiennes de... valider la possibilité qu'ils prennent le pouvoir, justement. Tout à fait. Et donc c'est un enjeu de pouvoir, et ça le sera de se souvenir d'Ambroise dans les siècles suivants, puisque le nom d'Ambroise va être brandi par tous ceux qui veulent, au fond, défendre leur liberté, la liberté de l'Église, puis plus tard la liberté communale contre les empereurs à partir du XIIe et XIIIe siècle, et puis ensuite la liberté de la civilisation communale au XVe siècle contre les princes. Au fond, ma question c'était aussi de savoir qu'est-ce que ça veut dire agir au nom d'eux. C'est une grave question. Agir au nom de quelqu'un à l'ombre duquel on se place, des valeurs on considère comme transcendantes, qui vont nous survivre, et qu'est-ce que ça veut dire aussi de se souvenir quand ce souvenir est un combat. Voilà. Oui, se souvenir, et puis faire revivre à la façon micheletienne parfois le mort qui est Ambroise. On pourrait, c'est pour ça que je disais Ambroise ou comment s'en débarrasser ou comment ne pas s'en débarrasser. Il y en a qui veulent se débarrasser d'Ambroise tout au long de cette période de 1000 ans. Il y en a d'autres qui ne veulent pas s'en débarrasser. Puis il y a Pétrarque qui habite juste à côté et qui dit j'habite aux confins de la ville dans sa partie ouest près de la basilique de Saint-Ambroise. La maison est saine, elle est située à gauche de l'église. Elle a vu sur le faîte de plomb du temple et les deux tours de la façade derrière sur les murailles de la ville, des champs verdoyants et les Alpes couvertes de neige en cette fin d'été. Cependant, le plus beau spectacle de tous, pourrais-je dire, est un tombeau. Je ne dirais pas à son sujet comme Sénèque parlant de l'Africain que je présume que ce fut le sépulcre d'un si grand homme. Je dis que je le sais. Et souvent, je lève les yeux pleins de respect vers une image du saint. Sculptée dans la pierre et située tout en haut des murs, elle semble vivre et respirer, et la tradition rapporte qu'elle lui ressemble beaucoup. Cela n'est pas une mince récompense pour ma venue ici. De fait, on ne saurait exprimer l'autorité de son visage, la majesté de son expression, la sérénité de son regard. La voix seule lui manque pour que nous ayons Ambroise vivant. Et si vous voulez le retrouver, cet Ambroise vivant sur l'image que regardait Pétrarque, eh bien, elle orne la couverture du livre dont on parle. Voilà. Regarder, lever les yeux vers ce qui nous regarde, c'est une définition de Laura. Et effectivement, Pétrarque était face à ce visage qu'il pensait vivant, et c'est cela qui m'a aussi intéressé, c'est d'aller vers cette revenance, cette réminiscence que nous avons d'une certaine manière en héritage depuis l'humanisme, parce que au fond, en tant qu'historienne et historien, nous sommes vraiment profondément les continuateurs de Pétrarque, de Lorenzo Valla. Nous ne travaillons pas fondamentalement différemment. Voilà. Pour ça que je commence plutôt au XVe siècle, à un moment, Carlo Ginzburg l'a montré avec la donation de Constantin, plus exactement sa dénonciation par Lorenzo Valla, ben, s'invente un rapport critique au temps. Et c'est pas facile avec Ambroise parce que regardez Pétrarque. Vous avez vu ce qu'il voit. Il a d'abord les montagnes devant lui. Alors là, c'est le Pétrarque qu'on connaît, celui l'ascension du Mont Ventoux. Et puis il a ce tombeau dont il dit que d'une certaine manière, c'est le plus éloquent des monuments qu'il a face à lui parce que il habite exactement face à la basilique Sant'Ambrogio où est effectivement l'image du saint, où est le corps du saint, où effectivement Ambroise a fait l'offrande eucharistique de sa propre dépouille et il a ancré, c'est ce que j'appelle l'occupation des sols, il a ancré effectivement la sainteté dans une géographie milanaise. Et puis il y a aussi le corpus, c'est-à-dire c'est la première œuvre complète qui est compilée en 1140 par le custode de la basilique Martino Corbo, et ce sont des livres que Pétrarque va lire. Et puis il y a aussi les chants. Donc il y a une sorte d'empilement, d'entassement de l'histoire. Donc l'écrit, dans un seul l'oral, lieu. L'écrit et l'oral. La vision du sol, la vision de cette ville qui a été modelée par Ambroise. Ambroise a tellement modelé cette ville qu'après avoir combattu les hérétiques ou les païens, il va même inventer des corps. Il va les inventer au sens médiéval, c'est-à-dire que, et là encore, c'est assez beau, il va rêver à l'endroit où pourraient attendre des géants de l'Antiquité, Gervais et Protée, et évidemment, quand on cherche, on trouve, et il creuse, et il va, au fond, enrober de récits ces corps qui les attendent. Bon, voilà, alors, qui attendent les corps, il va les transplanter dans une nouvelle basilique qui n'a pas encore de relique, donc c'est formidable. Voilà. Ça va pouvoir devenir la relique qui va sacraliser ce lieu. Qui deviendra Sant'Ambrogio parce qu'il prendra son nom. Et en fait, il fait ça sur le modèle constantinien de Rome, sur l'ensemble de Milan, qu'il entoure d'une aura de sacralité, les basiliques étant d'une certaine manière les sentinelles avancées de cette ville qui se construit comme une ville chrétienne, qui est évidemment défensivement organisée contre les forces invisibles qui pourrait l'assiéger. Et puis, ces forces invisibles reviennent régulièrement assiéger Milan. Et c'est là où, effectivement, ces vies posthumes sont passionnantes. Patrick Boucheron, on peut dire que c'est le saint des crises. Est-ce que c'est le saint des crises de Milan, en fait, Ambroise ? C'est-à-dire, c'est celui que l'on brandit oui. à chaque fois qu'il y a une crise qui a un problème. Dans la société milanaise. À chaque fois qu'il y a un problème. Et c'est ça qui est, à mon avis, le plus déstabilisant par rapport à la notion de religion civique que l'on prend comme une idéologie apaisante et unanimiste où on viendrait tous nicher, communier douillettement sous, effectivement. Or, en réalité, c'est une mémoire disputée. C'est une mémoire disputée qui, d'une certaine manière, est réactivée. Vous parliez de revenants. Et c'est vrai, il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux... Il y a des histoires de fantômes. Il y a des vraies histoires de fantômes dans ce livre, pour grandes personnes, pour adultes consentants. Comme disait Walter Benjamin aussi, et Didier Huberman qui le commente. Et quand on dit, par exemple, de Charles Borromée, qui est le dernier des Nouvelles Ambroises au XVIe siècle, oui, le héros de la contre-réforme... Chaque grand archevêque de Milan se réinvente. Se réinvente. Mais on dit, oui, en fait, d'accord, il fait comme Ambroise. Mais non, il est Ambroise. C'est-à-dire que c'est Ambroise vivant. C'est Ambroise qui est proprement réincarné. Et cette puissance spectrale, en fait, du passé, c'était une manière pour moi aussi d'essayer de faire comprendre, éprouver, j'allais dire presque physiquement, ce que c'est que la durée du temps. Parce qu'on dit toujours 1000 ans, voilà, le millénaire médiéval. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au 15e siècle de se souvenir du 4e siècle. Du 4e siècle, qu'on appellerait même pas le 4e siècle. Et quand on dit, bon allez, de toute façon, le souvenir ambrosien, c'est une réinvention carolingienne. Hein, bah, de toute façon, objectivement, il n'y a pas beaucoup de manuscrits avant le 9e siècle. On n'est pas très loin. Ah ouais, on n'est pas très loin, 5 siècles. C'est-à-dire qu'en fait, pour Charlemagne, déjà, le temps d'Augustin est enfoncé dans une épaisseur mythique qu'il n'appelle même pas l'histoire. Et pour Aribert Nettimiano, au début du 11e siècle, ou première moitié du 11e siècle, qui est aussi un de ceux qui raccommode la mémoire de cet Ambroise, eh bien, effectivement, pour Aribert Nettimiano, on est déjà à 3 siècles ou 2 siècles et demi de cette tentative de résurrection carolingienne d'Ambroise. Et c'est pour ça qu'il faut raccommoder, parce qu'effectivement, Umberto Eco, dans un savoureux article sur le remploi médiéval, disait qu'il y avait évidemment une métaphore architecturale, mais il y a aussi une métaphore couturière. C'est-à-dire qu'il y a des accros de la mémoire. Il faut effectivement repriser tout ça, reprendre. Ce sont des fils ténus qui sont au bord de se casser. Et c'est pour ça que moi, j'avais une question qui était en fait un dilemme narratif. J'ai passé 15 ans avec ce garçon. Hein. Qui n'était pas votre genre au départ. Vraiment pas mon genre. Mais bon, pourtant, il faisait des efforts. Il maigrissait, il grossissait, il se rasait la barbe, il essayait de changer d'allure. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas au fond cette chronique heurtée des Ambroises imaginaires. C'était au contraire d'essayer d'aller chercher ce qui empêche le passé de dériver trop loin de ce qu'il fut, c'est-à-dire ce qui résiste aux manipulations. Et vous l'avez dit, Emmanuel, c'est les lieux, c'est les textes et c'est les chants, en fait. Tout ce qui fait qu'on peut se souvenir de quelque chose qui a vraiment existé. Et puis, vous posez une grande question, qui est-ce que d'avoir une identité choisie. Comment choisit-on son identité? Comment cette identité n'est pas la même au 4e, au 8e, au 10e, au 14e, au 15e siècle, en l'occurrence? Et en tentant d'avoir sur cette question une démarche qui est à la fois respectueuse, parce que c'est pas parce que on a, au fond, posé l'historicité d'une valeur qu'on en a détruit le lien affectif. Moi, j'aime sincèrement des choses dont je sais qu'elles ont une histoire, et je les aime même plus peut-être parce que je sais qu'elles sont nées, donc j'ai peur qu'elles meurent. Et donc je sais aussi que si on ne souhaite pas qu'elle meure, eh ben il faut en prendre soin. Donc l'historicité, d'une certaine manière, est une critique au fond de la tradition, mais qui sait que au fond le pire d'une tradition, c'est d'être continuée sans être discutée. Voilà. Ça, ce qui est d'ailleurs le propre du christianisme, qui est la connaissance par la glose continue. Donc bien sûr qu'il n'y a pas d'identité, il n'y a que des identifications, des dynamiques d'identification. Et ce qui est assez intéressant, me semble-t-il, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'a arrêté, c'est que on trouve sur un terrain relativement neutre, parce que la question c'est de savoir qu'est-ce qu'être milanais au Moyen-Âge. Qui est milanais au Moyen-Âge? Voilà, je pense pas que ça va me valoir cette fois-ci des torrents d'insultes sur Twitter. Bon, voilà. Bon. Mais c'est la même question, au fond. C'est-à-dire, quel passé commun on se bricole pour, au fond, avoir le courage d'agir, d'être ensemble, de vivre en commun. Et c'est une question que vous posez page 329. Qu'entendaient les Milanais quand on leur disait Ambroise ou quand ils chantaient un hymne qu'on leur disait ambrosien? C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait que cet Ambroise était, par exemple, le héros du peuple? On n'en a pas encore parlé. C'était cette idée qu'il y avait, dans Ambroise, pour le peuple, la possibilité de reprendre la main, créer la commune, ou encore la convoquer quand elle avait disparu sous les princes de la fin du Moyen-Âge, et dire tout compte fait, c'est au nom d'Ambroise que nous voulons reprendre la main. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré d'ailleurs en tant que spécialiste de l'histoire du XVe siècle italien. Là, vous me menez jusqu'à Simac et je suis quand même assez loin de ma zone de confort. Mais j'ai pas fait exprès, c'est parce que j'ai vu surgir un souvenir au moment du danger, justement, en 1447, c'est-à-dire la révolution qu'on dit ambrosienne parce que c'est celle des Milanais qui veulent se passer de leur peuple, les princes, les Visconti. Et à ce moment-là, effectivement, ils se rassemblent sous la bannière d'Ambroise. Et je me suis dit, tiens, quel est ce souvenir? Quel est ce passé qui revient? Et très spontanément, je pensais, j'en ai fait l'archéologie, et j'espérais, je sais pas ce que j'espérais, mais en fait, je croyais que ça allait m'amener au 12e, 13e siècle, et que je pourrais dire que voilà, c'est un Ambroise réinventé. Mais non! En suivant le chemin des hymnes, justement, en prêtant l'oreille. Il y a le 11e, puis ensuite il y a le 9e. 9e, et puis avec un peu d'effort, on peut arriver jusqu'au moment où Ambroise est, mais c'est vraiment lui, assiégé dans une basilique, et qu'il invente des hymnes, et que ces hymnes, il les fait chanter, et qu'on peut encore les entendre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes arrêté au 16e? Parce que tout compte fait, vous expliquiez l'autre jour, je vous ai entendu expliquer lors d'une discussion autour de ce livre, que, eh bien, aujourd'hui, on peut, dans un match de foot, se dire ambrosien. Surtout quand on gagne, d'ailleurs, parce que il y a deux clubs de foot à Milan, vous le savez très bien, et ce qui les met en commun, parce que quand on est interiste, normalement, on n'est pas pour l'AC Milan, sauf quand ils gagnent et qu'ils deviennent ambrosiens. Donc ça veut dire, bien sûr, qu'il y a une réactivation continue de cette histoire, une des dernières très belles représentations théâtrales de Dario Fo en 2009, prix Nobel de littérature, ça s'appelait L'Invention de Milan, et il faisait d'Ambroise une sorte de crypto-communiste. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, et au fond, c'est vrai que moi je... Enfin, ouais, voilà. Parce que quand même, on n'a pas insisté sur des caractères extrêmement... Ah, il est très déplaisant, oui. Très déplaisant. Il est très déplaisant, oui, oui. C'est le grand séparateur, et en particulier, par exemple, la question des Juifs. Les païens, les Juifs, les hérétiques. Oui, qui en dehors de l'Église. Évidemment confondus dans la même détestation. Et on est, par exemple, et ça c'est évidemment une question grave, aux origines de l'anti-judaïsme chrétien. Il y a effectivement ces prises de position terribles, lors notamment de l'incendie de la synagogue de Kalinikum, aujourd'hui la ville martyre de Syrie, Raqqa, et où il a effectivement, alors les historiens peuvent effectivement nuancer ça, mais enfin il a des mots terribles effectivement sur la pour justifier l'incendie de la synagogue, et ces textes, ils restent, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut les contourner, on peut ne pas le regarder, mais on ne pourra pas dire qu'Ambroise était un ami des Juifs. Donc, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, quand on voit que, au fond, ce que j'ai voulu montrer, c'est que, vous savez, cette blague des historiens soviétiques, on ne sait pas de quoi hier sera fait, ça ne s'applique pas au Moyen-Âge. C'est pour ça que je m'arrête au 16e. C'est que là, il y a un régime documentaire qui fait qu'on ne peut pas faire absolument n'importe quoi avec le passé. Et donc, soit on le tait, soit on le fait renaître. Et cet anti-judaïsme d'Ambroise, bien sûr qu'il va connaître des vies posthumes, jusqu'à, on le voit lorsqu'on est face au dôme, tournez les yeux, à droite, vous avez un monument qui est la maison des syndicats fascistes des années 30, et vous avez un Ambroise qui est en train de pourchasser les Ariens, dont le sculpteur a fait, comme sur la Porta Romana déjà au XIIe siècle, une représentation très ambiguë, parce que ces Ariens, ce sont aussi des Juifs. Alors, il y a une dernière question que je voulais vous poser à propos de votre Trace et Laura, les vies posthumes d'Ambroise de Milan, Patrick Boucheron, c'est que tout livre, comme celui-ci, mais tous les autres aussi, sont des exercices de mémoire, comme faisaient ses prédécesseurs à Milan et ses médiévaux. Et on a l'impression que c'est un exercice de mémoire pour vous, c'est-à-dire que on y retrouve Walter Benjamin, mais vous le mettez tout à la fin. Trop présent pour être cité, comme voilà. Disait Lévinas. Jean-Louis Biget, oui. Votre maître, Georges Duby, Umberto Eco, votre ami Mathieu Riboulet, oui. Ils sont tous là. Ben oui, bien sûr, comme une sorte d'anniversaire surprise. Non, c'est toujours... comment faire autrement, Emmanuel? Voilà. Il y a un moment où quand on passe beaucoup de temps sur un sujet pour lequel on n'a pas, et c'est important, moi j'ai rien à reprocher à Ambroise personnellement, j'ai pas de compte à régler avec ce sujet, je peux pas dire j'aime passionnément, je déteste, voilà, j'ai même évidemment on se confronte à des grands livres, alors il y a le Saint-Louis de Le Goff où il se débat avec son personnage. Moi ce livre, il est à la fois impersonnel parce que je cherche un terrain. Enfin, en fait, je le retrouve puisque j'ai toujours été historien de Milan. Enfin, j'ai cherché à l'être. Et au fond, quand on n'a pas de rapport personnel avec un sujet, il reste le plus intime qui est l'écriture. Et c'est aussi ce que je tente de montrer. Je cherche pas le vrai d'Ambroise, mais ce qu'il y a de plus intime en lui, c'est ce que faille l'histoire. Et donc, on peut en faire une histoire générale à partir d'Ambroise. Moi, ce que je voudrais c'est écrire des livres sur l'histoire générale du Moyen-Âge. Et voilà, ça, c'est une des manières de le faire. Merci beaucoup. Ça s'appelle La Trace et Laura, donc Vie posthume d'Ambroise de Milan chez l'Univers historique au Seuil. Et c'est sorti hier en librairie. Merci Patrick Boucheron. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Les orages sont sur nous, en l'occurrence, grâce à Thomas Duterre et les sorcières aussi. Et d'ailleurs, vous êtes présent, Patrick Boucheron, dans le dernier numéro de l'Histoire dont on va parler avec vous, Valérie Hénin. Bonjour, vous êtes directrice de la rédaction de l'Histoire. Et le dossier du numéro de l'Histoire, notre partenaire, donc, s'intitule « L'Inquisition contre les sorcières » avec un sous-titre « Un féminicide et un point d'interrogation ». Et notre invité aujourd'hui est Philippe Joutard. Bonjour. Eh oui, Emmanuel, les sorcières sont à la mode. Ça n'est pas la première fois, mais enfin, des deux côtés de l'Atlantique, on ne compte plus les livres, les films, les blogs qui leur sont consacrés. En France, c'est ce qui nous a inspiré, à vrai dire, ce dossier. Un des grands succès de librairie de l'année, c'est le livre de Mona Chollet, journaliste au Monde diplomatique, qui est intitulé « Sorcières », sous-titre « La puissance invaincue des femmes ». Alors, l'auteur, à vrai dire, noue ainsi avec une tradition qui est assez bien ancrée, qui est celle d'enrôler les sorcières dans les rangs des militantes du féminisme. C'était le cas de Xavier Gautier qui avait intitulé ainsi sa revue en 1975. Mais enfin, nous, on a eu envie, dans le magazine L'Histoire de ce mois de février, de remonter, d'aller chercher un petit peu quelle était justement l'histoire, vous disiez Patrick, qui résiste. D'où vient cette figure si bien partagée de notre imaginaire et a-t-elle une date de naissance en quelque sorte? Parce que ce que nous dit aussi le grand historien Carlo Ginzburg dans ce numéro de février de l'Histoire, c'est qu'il y a un fond, évidemment, dans toutes les sociétés du monde peut-être, en tout cas ce qu'il appelle le fond chamanique dans un ensemble de sociétés qu'il nous décrit, des jeteurs de sorts. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot sorcière, hein, les jeteurs de sorts. Tous ces gens qui ont peut avoir plus ou moins pour le bien, pour le mal, avec le monde des morts. Mais notre sorcière à nous, hein, celle que tout le monde connaît, avec son grand chapeau très haut, pointu, à large bord, qui chevauche un balai, qui a une tignasse très mal coiffée. Au fond, ce qui apparaît, c'est qu'elle a une date de naissance. On sait très bien quand elle est née. Elle est née au XVe siècle, vers 1430. Hein, à ce moment-là, Martine Ostorero nous explique dans ce numéro que les sorcières ont été assimilées, et les sorciers et les sorcières, aux hérétiques, et qu'ils deviennent les nouveaux boucs émissaires de la chrétienté. Alors, à ce moment-là, on les accuse évidemment des pires crimes, toujours les mêmes, hein, qui sont repris par les interrogatoires des juges d'inquisition. Et ils tuent les enfants, il ou elle fornique avec le diable, le sperme glacial du bouc, enfin ce sont toujours les mêmes histoires qui reviennent, et évidemment il profane tous les sentiments chrétiens. Alors la répression s'abat, elle vient de haut, évidemment l'Inquisition mandatée par l'Église, mais des juges qui font accord avec les princes, parce que c'est quand même assez étonnant de voir comment ces phénomènes de sorcellerie entre 15e et 17e siècle sont assez localisés en Europe, dans les régions de montagne, le Dauphiné, le Pays de Vaud, les Pyrénées, ce que Jacques Chiffolo appelle les marges fragiles, hein, où les pouvoirs peinent un peu à imposer leur souveraineté. La délation se met en marche, les aveux, la punition, tous ne sont pas condamnés. Hein, Martino Sorero nous dit que dans le pays de Vaud, finalement, au XVe siècle, 2 sur 3 seulement sont brûlés. Et que d'ailleurs, dans cette région-là, ce sont plutôt des hommes qui sont condamnés et brûlés au XVe siècle. Le tour des femmes viendra plus tard. Mais enfin, hommes ou femmes, cette énorme persécution entre 15e et 17e siècle en Europe a quand même fait probablement autour de 60 000 morts. Alors, nous avons invité ce matin Philippe Joutard qui participe à ce dossier de l'histoire qui est évidemment un de nos fidèles collaborateurs depuis fort longtemps. Philippe, vous êtes spécialiste évidemment des protestants, des camisards, vous avez publié récemment un joli livre sur la révocation de l'édit de Nantes chez Gallimard l'année dernière, mais vous êtes aussi un grand spécialiste, très bon connaisseur de l'histoire des mentalités, des archives de Lucien Febvre, de Mandrou, on y viendra tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord m'adresser à vous comme donc spécialiste de ces mentalités d'Ancien Régime. Comment expliquez-vous, Philippe Joutard, ce déferlement de persécution contre sorciers et sorcières au XVIe, XVIIe siècle ? Je crois que tout à l'heure, nous avons évoqué hérétiques, mais aussi juifs. Car ne pas oublier que dans les sorcières, elles se rendent au sabbat. Et ce n'est pas innocent. Mmh. De la même façon, d'ailleurs, les traditions orales qui circulent à peu près à la même époque parlent des synagogues de Satan. Mmh. Donc il y a un lien très précis. Donc les deux périodes, nous avons cette floraison très forte, c'est-à-dire le XVe siècle, mais aussi la deuxième partie du XVIe et le début du XVIIe siècle, ce sont des périodes d'énormes inquiétudes, aussi de crise. Hein. Ne pas oublier d'abord que cette période du XVe siècle et du début du XVIe siècle, c'est un temps où la plupart des gens au monde chrétien sont persuadés que la fin du monde est proche. Mmh. Et cette fin du monde proche, ça doit être précédé d'un combat entre les forces du bien et les forces du mal. Et précisément, les sorcières apparaissent comme un élément des forces du mal. Donc, c'est le premier élément. Deuxième point, c'est pour répondre en quelque sorte à ces inquiétudes du XVe siècle, début du XVIe siècle, il y a toute une série de recherches spirituelles. C'est l'époque de la Devotio Moderna. C'est ensuite l'époque, entre guillemets, des premières mises en cause de la tradition au niveau de Luther. Donc toute une période d'inquiétude profonde, de remise en cause. Et puis alors à la fin du XVIe siècle au début du XVIIe siècle, si je peux me permettre l'expression, nous vivons une des premières formes de mondialisation. Il y a cette découverte, entre guillemets, de nouveaux mondes. Les Indiens ont-ils une âme ? Tout ceci aboutit à une profonde inquiétude et évidemment, là-dessus, un phénomène qui existe depuis très longtemps, que Gainsbourg a bien montré, cette sorte de chamanisme généralisé, eh bien, brusquement, les puissances, l'Église et l'État, d'ailleurs en concurrence, souvent s'en emparent. Alors il y a effectivement l'histoire des sorcières et la façon dont vous venez de montrer avec Valérie Hanin comment elle avait cheminé au fur et à mesure. Et puis il y a l'histoire des historiens des sorcières. C'est une autre histoire. On va écouter un petit extrait de la voix de Robert Mandrou sur France Culture. C'était en 1973 et il évoquait son travail justement sur magistrats et sorciers en France au XVIe siècle. C'était au micro des Lundis de l'Histoire. Tout un système s'est mis en place à la fin du Moyen Âge qui vise à supprimer la sorcellerie rurale et qui, d'une certaine façon, y était arrivé au XVIe siècle, puisque très périodiquement, on arrivait, on réussissait à extirper la sorcellerie d'une région, enfin d'une province. Seulement, ces sorcières, leur culpabilité était établie à partir de documents qui étaient fournis par les magistrats eux-mêmes, beaucoup plus que par les inculpés. Pour nous, aujourd'hui, ce qui est relativement facile à reconstituer, c'est la façon dont les juges s'y prenaient, dont ils les assaillaient de questions perfides et dont ils les persuadaient finalement qu'elles étaient coupables. Et cette culpabilité était sanctionnée par la mort, malheureusement pour elles, puis malheureusement pour nous aussi, parce que bien souvent, les juges éprouvaient le besoin de brûler les pièces du procès avec les paysannes. Voici donc ce qu'expliquait sur notre radio Robert Mondrou. C'était en 1973 à propos de sa thèse publiée, donc soutenue en 1968, ou publiée en 1968. Publiée et soutenue, et puisque soutenue. À cette époque-là, les historiens qui présentaient une thèse devaient l'avoir imprimée. Ah oui, donc c'était un grand succès par rapport à aujourd'hui, effectivement. Et donc vous avez écrit un article sur Mondrou, le précurseur, dans ce numéro de l'Histoire, Philippe Joutin, ce qui nous permet de comprendre comment on a cheminé justement de Mondrou et de ses années 60, qui évoque cette question des sorcières, à Ginsburg, qui était évoqué tout à l'heure par Valérie Hanin, jusqu'à Mona Chollet aujourd'hui, et des interprétations différentes de ce phénomène des sorcières. Alors, permettez-moi de dire d'abord que pour l'élève de Mondrou, c'est pour moi une grande émotion, hein, plusieurs décennies après, de l'entendre. Hein. C'est une première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, en deçà, en amont de Mondrou, il faut évoquer Lucien Febvre. Bien sûr. Hein, et en particulier... Le cofondateur de l'École des Annales, voilà, et qui donc était son maître aussi. Il a été le dernier disciple de Lucien Febvre, et Lucien Febvre s'interroge comment un certain nombre de grands intellectuels, Bodin par exemple, Jean Bodin, ont-ils entre guillemets cru, hein, et il met en cause cette notion un peu facile de la crédulité, et il montre d'une certaine façon, et c'est dans ce sens-là que Mondrou s'est interrogé sur la question, disons quelle est la structure, les structures mentales, les représentations ces intellectuels qui les conduisent en quelque sorte à s'emparer de la sorcellerie rurale en particulier et là-dessus de construire tout un édifice qui est répétitif d'ailleurs et d'en faire la théorie. Alors Mondrou, ayant lu cet article de Lucien Febvre, comme d'ailleurs Ginsburg, même moment, veut en quelque sorte s'interroger sur la fin des procès de sorcellerie. Pourquoi en France en particulier? Pourquoi on arrête au milieu du XVIIe siècle, c'est ça? Au milieu du XVIIe siècle, et pourquoi ensuite même on interdit? On considère que c'est une illusion. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à cette question? C'est à cause de l'évolution des représentations mentales. Comment est-ce qu'on explique ça par une sorte de mutation de sensibilité? C'est cette mutation, cette rupture qu'il a voulu faire. Valériane. Oui, la sorcière, au fond, c'est un des premiers objets de cette histoire des mentalités. Hein, et au fond, qui va permettre la bascule, et Mondrou en est un superbe témoignage. Alors, c'est pas le seul, on pourrait... Alors, vous dites dans l'introduction que vous donnez au sommaire du séminaire de Mondrou, qui s'appelait « La sorcière au village », voilà, le titre qui a été repris ensuite par M. Chamblé. Permettez-moi l'expression, qui s'est fait de 1967 et 1968, et 68-69, et au centre, d'ailleurs, ne pas oublier qu'on revient à l'histoire très contemporaine, puisque c'est les événements de 68, et que Mondrou avait vécu au premier plan, puisqu'il était professeur à Nanterre. Alors, vous nous avez introduit ce plan du séminaire de Mondrou que nous avons posté sur le site internet de l'Histoire, d'ailleurs, avec votre texte d'introduction. Et vous dites quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. Vous dites, Robert Mondrou, lui, ne croit pas à l'existence matérielle et réelle du sabbat. Il est du côté du combat contre l'obscurantisme. et vous ajoutez à la différence de Michelet. Parce que, à l'origine quand même, peut-être de cet objet historique qu'est la sorcière, il y a Michelet. Il y a ce livre tout à fait étonnant. Yann Potin nous fait une très jolie page sur la sorcière rebelle chez Michelet. Il y a ce livre de Michelet. Que pouvez-vous nous en dire? La sorcière qui est rééditée d'ailleurs dans ces années 60. Oh, mais attention, il y a plusieurs rééditions. Très à la mode. Très à la mode. La première réédition, hein, c'est peut-être un peu oublié, c'est en 1959, Roland Barthes. Et Roland Barthes, qui nous montre évidemment la passion pour Michelet, hein, écrit que c'est à la fois un roman, une fiction, hein, et un livre d'histoire. Et ensuite, peu après, 6 ans après, Robert Mandon en fait une autre édition. Hein. Et Michelet, évidemment, développe cette idée extraordinaire, hein, que derrière ça, c'est une forme de sédition, de révolution. Hein. C'est la notion de la femme rebelle. Mmh. Hein. Et c'est dans ce sens-là où, évidemment, c'est une sorte de précurseur, en quelque sorte, du mouvement féministe, au sens strict du terme. Et donc, effectivement, cette différence qu'il y a entre Mandrou et Michelet dans l'interprétation des sorcières, mais aussi entre Michel de Certeau, qui va travailler sur les possédés de Loudun, ou encore Jeanne Favre-Saada, cet anthropologue qui va avoir un énorme succès dans les années 70, justement, avec son livre « Les mots, la mort, les sorts » sur la sorcellerie dans le bocage. Tout cela prouve quand même que ce moment des années 60 et 70 est travaillé par la figure de la sorcière, Philippe Joutard. Tout à fait, d'ailleurs. Mais avec des interprétations différentes. Ça commence par un débat, hein, et une controverse assez violente. Hein, à savoir que, aussi bien Michel de Certeau que Jeanne Favre-Saada reprochent à Mandrou de s'être uniquement placé du côté des notables, du côté, si l'on peut dire, de la culture savante, et d'avoir négligé complètement... Donc des inquisiteurs et de ceux qui voilà, condamnaient les sorcières. Et du point de vue des sorcières et des sorciers, de s'être placé uniquement du point de vue des dominants. Ce que ne fera pas Carlo Ginzburg, par exemple. Voilà. Mais ce qui est un peu injuste, puisque, si l'on peut dire, le séminaire dont a parlé Valérie Hanin s'intitule « La sorcière au village ». Et Mandrou, dans la suite même de Michelet, s'interroge sur qu'est-ce qui fait la force des sorcières. Mais c'est parce qu'elle est double. Parce qu'elle est double, exactement. Elle est diurne et nocturne. D'une part, elle est guérisseuse. Guérisseuse. Et oui. Guérisseuse du jour. Guérisseuse du jour. Et en même temps, ce lien avec le diable, mais ce lien avec le diable en dit beaucoup. Elle dit cette sorte de ce que Mandrou appelle les séditions latentes. Cette sorte de sentiment pour les femmes, et c'est pour ça que, évidemment, le mouvement féministe en est emparé, d'être une sorte de contestation de l'ordre établi dans toutes ses formes, non seulement politique, mais aussi presque de la position de la femme, hein, puisque les rapports des sorcières à l'intérieur du sabbat sont des rapports sans conséquence particulier de naissance. Et puis parce que c'est un peu l'anticuré aussi. Absolument. C'est elle qui, d'une certaine façon... met en cause tout le système. Voilà. Le choc des deux cultures, nous dit Ginzburg. Valérie Hanin. Eh bien écoutez, oui, je pense que ce qui est vraiment assez frappant, c'est de voir ressurgir, peut-être en période de crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais de voir ressurgir sous une forme, au fond, très très très permanente, hein, cette figure de la sorcière qui est un mythe extraordinairement plastique, qui sert à beaucoup de choses, à défendre la rébellion contre les curés, à défendre les femmes contre les ordres paternalistes, et qui ressurgit mais à travers les âges et tout en ayant cette forme historique extrêmement repérée quand même au 15e siècle. Vous êtes surpris, vous qui suivez ces affaires depuis très longtemps maintenant, Philippe Joutard, depuis ces années 60, vous êtes surpris justement de cette résurgence, du succès par exemple d'un livre comme celui de Mona Chollet sur les sorcières, justement avec ces interprétations très particulières qui sont celles justement de issues du mouvement féministe autour de cette figure de la femme rebelle et la femme qui peut justement casser le système masculiniste, par exemple. Je ne le pense pas, parce que si on réfléchit à l'historiographie aussi bien pour un large public, eh bien, on s'aperçoit que après le grand moment, hein, qu'on a évoqué il y a quelques instants, c'est-à-dire la fin des années 60 et le début des années 70, tout au long, hein, jusqu'à nos jours, il y a constamment

Et quant au petit fox terrier anonyme, gros comme un lapin, qui, après avoir retrouvé 150 blessés à la bataille de la Marne, s'égara et sut revenir à son maître à travers les lignes ennemies, celui-là a déjà reçu sa récompense. Il est retourné au front, dans les Vosges. Voilà le texte de Colette, Les chiens sanitaires, dans le journal Le Flambeau du 29 mars 1915, lu par Vincent Schmitt. Vous pouvez bien entendu aller sur le site de Rétro News, en passant par la page de la Fabrique de l'Histoire, pour pouvoir lire la suite et la totalité de cet article de Colette, donc de 1915. Cette émission a été préparée par Marion Dupont, Aurélie Marcet et Céline Leclerc. À la technique aujourd'hui, Clément Daté, et à la réalisation, Thomas Duterre. La semaine prochaine, nous parlerons des femmes artistes, qu'elles soient musiciennes, auteurs, autrices ou encore effectivement peintres. Ça sera au cœur de notre semaine dans la Fabrique de l'Histoire. Et puis l'histoire continue bien entendu sur France Culture le week-end, en particulier avec Concordance des temps. Jean-Noël Jeannonnet recevra demain Christophe Gillissen. Il est professeur d'histoire irlandaise à l'Université de Caen, à propos de l'Irlande à l'heure du Brexit. Si vous voulez écouter ou réécouter la série que nous avons produite cette semaine autour des micro-États, le Vatican, les paradis fiscaux, Fiume ou encore les Escartons, la République des Escartons, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, à la semaine prochaine.